Chapitre 8, où l'on voit un jeu de cartes prendre ses ébats autour du roi et de la reine de cœur. Un rosier se dressait à l'entrée du jardin. Ses fleurs étaient blanches, mais trois jardiniers, armés de pots de peinture et de pinceaux, s'occupaient activement à les colorier en rouge. Ces jardiniers étaient des cartes à jouer, avec une tête en haut et deux bras et deux jambes aux angles. Alice, fort intéressée, s'approcha d'eux. « Fais attention, cinq, » disait le premier. « Ne m'éclabousse pas comme ça avec ta peinture. »« Ce n'est pas de ma faute, » répartit cinq. Un cinq de pique, de cœur, de trèfle ou de carreau. « C'est sept qui m'a poussé le coude. » À quoi Seth répondit avec conviction. « Très bien, Miss 5, il faut toujours rejeter les responsabilités sur autrui. Vous feriez mieux de baisser le ton, vous, » dit 5, qui sentait l'ironie de cette déclaration. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que vous étiez condamné à avoir la tête coupée. » « Et pourquoi cela ?»« Pour avoir apporté au cuisinier du château des oignons de tulipe au lieu d'oignons ordinaires. » Seth, indigné, jeta à terre son pinceau et son pot de peinture. « Eh bien, s'écria-t-il, une telle injustice !» quand ses regards tombèrent soudain sur Alice. Les autres aperçurent en même temps la demoiselle et tous trois s'inclinèrent devant elle très bas. « Voudriez-vous me dire, demanda Alice, pourquoi vous peignez ces roses ?» Les jardiniers hésitèrent un instant. Puis le premier déclara « Il devait y avoir à cette place, voyez-vous, mademoiselle, un rosier de roses rouges. Nous nous sommes trompés et nous avons planté un rosier de roses blanches. Si la reine s'en aperçoit, nous aurons tous la tête coupée. C'est pourquoi nous cherchons à réparer de notre mieux l'erreur que nous avons commise. Et nous nous hâtons, car la reine va arriver d'une minute à l'autre. » Il achevait à peine ce petit discours qu'un cortège nombreux apparaissait au tournant de l'allée. « La reine ! La reine !» crièrent les pauvres diables avec effroi, et ils se jetèrent à plat ventre la face contre terre. Alice regarda de tous ses yeux le cortège royal. D'abord venaient 10 soldats armés de bâtons. Ils étaient tous, comme les trois jardiniers, des cartes à jouer, plates et rectangulaires, avec la tête en haut et aux angles, les bras et les jambes. Suivaient 10 courtisans, tout couverts de diamants et autres pierres précieuses. Venaient ensuite les enfants royaux, au nombre de 10. Ces petits chéris gambadaient joyeusement, se tenant par la main, deux par deux. Ils portaient tous sur la poitrine un bijou en forme de cœur. Puis venaient les invités, qui étaient pour la plupart des rois et des reines, et Alice reconnut parmi eux le lapin blanc. Il parlait avec animation, souriait à tout le monde. Il passa près de la petite fille sans même la remarquer. Venait encore derrière le groupe nombreux des invités, le valet de cœur portant sur un coussin de velours cramoisi la couronne royale. Enfin, terminant cette longue procession, s'avançaient dignement le roi et la reine de cœur. Alice eut un instant l'idée de se jeter elle aussi face contre terre, mais une très judicieuse réflexion l'en empêcha. « À quoi serviraient les processions ? » se dit-elle. « Si à leur passage, les gens se jetaient face contre terre, de façon à ne pouvoir les contempler. » Quand le cortège arriva à sa hauteur, tout le monde s'arrêta et on la dévisagea avec curiosité. « Qui est ça ? » demanda la reine avec fort peu de gracieuseté. Le valet de cœur à qui s'adressait cette question, ne sachant dire qui était Alice, se borna à s'incliner et à sourire bêtement. « Imbécile ! » cria la reine impatientée, et s'adressant à Alice. « Comment vous appelez-vous, enfant ?»« Je m'appelle Alice, sauf le respect que je dois à votre majesté, » répondit Alice le plus poliment du monde, et elle ajouta en son fort intérieur. « Après tout, Ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes, il n'y a pas de quoi avoir peur d'eux. » La reine à ce moment aperçut les trois jardiniers qui étaient à plat ventre près du rosier. « Et ça, qui est-ce » demanda-t-elle encore, les désignant du doigt. Car ces pauvres diables, ne montrant que leur dos, qui était semblable à tous les dos du jeu de cartes, la reine ne pouvait pas discerner si c'étaient là des jardiniers, ou bien des soldats, ou bien des courtisans, ou bien même trois de ses propres enfants. Alice prit la question pour elle et répondit « Comment le saurais-je ? Ce n'est pas mon affaire. » La reine, d'abord étonnée de cette façon de parler à laquelle elle n'était guère habituée, entra tout à coup dans une colère terrible et jetant sur Alice un long regard chargé de haine, elle cria « Coupez-lui la tête ! Coupez !»« Vous ne savez pas ce que vous dites ?» interrompit Alice avec une audace qui la surprit elle-même. Et elle se mit à crier si fort, protestant et gesticulant, que la reine se tut, tout intimidée. Le roi intervint et dit à sa royale épouse, « Je vous en prie, ma chère, laissez, ce n'est qu'une enfant. » La reine se rabattit sur les trois pauvres jardiniers. « Qu'on les tourne de l'autre côté » ordonna-t-elle. Le valet de cœur, du bout des pieds, exécuta l'ordre. « Debout !» cria la reine. Et les trois jardiniers se dressèrent sur leurs jambes tremblantes et commencèrent par s'incliner successivement devant le roi, la reine et chacune des personnes présentes. « Assez !» dit la reine. « Vous me donnez le vertige !» Puis, se tournant vers le rosier, elle continua. « Qu'étiez-vous en train de faire ici ?»« Sauf le respect de votre majesté, commença l'un des jardiniers du ton le plus humble et en mettant un genou en terre, nous étions en train d'essayer. » La reine examina le rosier. « Je vois !» s'écria-t-elle. « Qu'on leur coupe la tête !» Et le cortège se remit en marche, tandis que trois soldats restaient en arrière pour exécuter les infortunés jardiniers. Mais ceux-ci coururent se mettre sous la protection d'Alice. « Vous ne serez pas décapités, » déclara Alice, et elle les cacha dans un grand pot de fleurs. Les soldats les cherchèrent bien un peu, et puis, ne les trouvant pas, ils rejoignirent tout tranquillement leurs camarades. « Est-ce qu'ils sont décapités ?» leur demanda la reine. « Plaise à votre majesté, leurs têtes ont disparu, » répondirent les soldats sans mentir. « Savez-vous jouer au croquet ?» demanda ensuite à Alice la terrible reine. « Oui, » dit Alice. « Venez alors !» commanda sa majesté en faisant signe à la petite fille de se joindre au cortège. « Il fait une très belle journée, » murmura une voix timide à côté d'Alice. Celle-ci s'aperçut qu'elle avait pour voisin le lapin blanc. « Très belle, » répondit notre amie. Et elle ajouta à brûle-pourpoint, « Où est donc votre duchesse ?»« Chut, chut !» fit le lapin soudain épouvanté. Et se dressant sur ses pieds, il approcha sa bouche de l'oreille d'Alice pour lui glisser. « Elle est sous le coup d'une sentence capitale !»« Et pourquoi, grand Dieu ?» demanda Alice. « Elle a giflé la reine !» avoua le lapin d'un air désolé. Et comme Alice ne pouvait s'empêcher de rire, il la supplia de se taire. « Chut, chut ! La reine va vous entendre ! Je vous disais donc que la duchesse était arrivée très en retard et que... »« À vos places !» ordonna la reine d'une voix retentissante. Et les gens du cortège se mirent à courir dans toutes les directions en se bousculant comme des fous. Alice, ayant considéré le terrain de jeu, fut d'avis qu'elle n'en avait jamais vu de semblable. Partout des ronces et des ornières. Comme boules, des hérissons vivants, mais en boules. Comme maillets, des hérons, de pauvres hérons, également vivants. Et les arceaux étaient formés par les bras et les jambes des soldats. Ce n'était pas une petite affaire que de manier les hérons comme on eût fait d'un maillet. Alice plaça le sien sous son bras gauche, maintint les pattes comme elle put, et, saisissant le cou de sa main droite, elle croqua avec la tête du héron. Mais cette position peu naturelle ne plaisait pas beaucoup au héron, qui protestait à sa façon en secouant les ailes et en tortillant son long cou. Et puis, il arrivait à tout instant que les hérissons, las d'être en boule, montraient leurs pattes et se sauvaient dans les buissons. Sans compter enfin que les soldats qui formaient les arceaux n'attendaient pas toujours que les joueurs fussent prêts et s'en allaient avant que ceux-ci eussent joué à leur tour. Alice en vint rapidement à cette conclusion que c'était là un jeu de croquet extraordinairement difficile. D'ailleurs, l'anarchie régnait parmi les joueurs. Ils ne cessaient de se disputer et même de se battre. À la fin, la reine entra dans une violente colère. « La tête coupée ! La tête coupée ! » hurlait-elle en désignant celui-ci, puis celle-là, puis tel autre encore. Alice commençait à redouter l'instant fatal où elle aussi aurait à se disputer avec la reine. Elle songeait. « Que deviendrai-je alors ? Ces gens-là vous coupent une tête avec une facilité effrayante. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait encore des vivants dans ce pays. » Elle rêvait à quelque moyen de fuir ce jardin dangereux lorsqu'elle aperçut, dans l'air, en face d'elle, une chose étrange. C'était comme une bouche qui riait, une bouche avec son sourire, mais sans yeux, sans oreilles, sans corps, sans rien. Alice hésita quelques secondes, et puis elle reconnut son ami, le chat de Chester. « Ah, enfin, voici quelqu'un à qui parler !» se dit-elle. « Comment allez-vous, mademoiselle ?» s'enquit aimablement le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit que les yeux eussent fait eux aussi leur apparition pour saluer. « Quant à parler, se dit-elle, il est inutile que je le fasse tant que les oreilles ne seront pas là pour m'entendre. » Une minute plus tard, la tête du chat se trouva au complet. Mais l'étrange animal, jugeant sans doute que le restant de sa personne n'était pas indispensable, borna là son apparition, en sorte qu'Alice fit la conversation avec, non pas un chat, mais une simple tête de chat. C'était suffisant, d'ailleurs. On parla du jeu de croquet et de Sa Majesté la Reine. « Ces gens-là jouent en dépit des règles, » déclara Alice, « et puis ils se disputent comme des chiffonniers. Quant à croquer les hérissons, c'est bien difficile, puisqu'ils ne vous attendent pas. »« Est-ce que la reine vous plaît ?» demanda le chat prudemment. « Oh non, » dit Alice, « elle est tellement... » Mais au même instant, elle s'aperçut que la reine était là, tout près, qui écoutait. Et elle continua fort habilement. Tellement faite pour vaincre que c'est à se demander s'il faut achever la partie. La reine sourit et passa. Le roi, à un certain moment, s'approcha d'Alice et regardant la tête du chat avec curiosité, il demanda « À qui parlez-vous donc ?»« À un de mes amis, répondit la petite fille, au chat de Chester. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Oh, je n'aime pas beaucoup son regard, » déclara le roi. « Cependant, je consens à ce qu'il me baise la main. »« J'aime mieux pas, » répondit le chat sans se gêner autrement. « Ne soyez pas insolent et ne me regardez pas ainsi, » dit le roi en cherchant à se cacher derrière le dos d'Alice. Celle-ci remarqua « Un chat peut regarder un roi. J'ai lu ça dans un livre, mais je ne sais plus lequel. »« Eh bien, » fit le roi, « on va supprimer ce chat purement et simplement. » Il appela la reine. « Ma chère amie, je désirerais être débarrassée de ce chat que vous voyez là. » La reine n'avait qu'une façon de trancher les difficultés, grandes ou petites. « Qu'on lui coupe la tête » cria-t-elle. Je vais chercher moi-même l'exécuteur, dit le roi. Bientôt le roi, la reine, l'exécuteur, Alice et une vraie foule de curieux se trouvèrent réunis autour du chat de Chester. Une discussion des plus graves s'éleva. L'exécuteur prétendit qu'il ne pouvait pas couper une tête s'il n'y avait pas de corps dont cette tête dût être séparée. Il n'avait jamais fait d'exécution semblable, et ce n'était pas à son âge qu'il allait apprendre son métier. Le roi lui affirma que, du moment qu'il y avait une tête, on pouvait toujours la couper, et qu'il fallait mettre un terme à des absurdités de ce genre. Quant à la reine, elle criait que si l'on ne réglait pas la question séance tenante, elle allait faire couper le cou à toute la société. Le visage des assistants s'allongea à cette menace, et un silence de mort régna. Alice crut bon d'intervenir. « Ce chat, dit-elle, appartient à la duchesse. Le mieux serait donc de consulter cette dame. »« La duchesse est en prison, dit la reine. Qu'on aille la chercher !» L'exécuteur salua et partit en courant. Quand il revint, avec la duchesse tout essoufflée, il fut fort étonné de constater que la tête de chat avait disparu. Elle s'était en effet évanouie petit à petit, des oreilles jusqu'au sourire. Le roi voulut qu'on fît des recherches, une enquête, mais la compagnie retourna au jeu de croquet.